Les étrangers avec des pieds sont les bienvenus. Les étrangers sans pieds ou avec des faux pieds seront raccompagnés chez eux.